Deutschlandfunk Soundcheck. Herzlich willkommen zur zweiten Stunde mit frankophonen Klängen zwischen Chanson und Hip-Hop. Am Mikrofon ist weiterhin Michael Frank und das hier ist Steve Beresford aus England. Er empfiehlt die Chansons von Charles Trenet als besten Weg, um die französische Sprache zu erlernen. Moi je suis un homme anglais. Angleterre c'est ma terre, je sais, c'est vrai. But may chaque fois que j'ai la chance de voyager, I go to France, to France de la romance. Elementaire, you go there, is learning vite la langue. Maybe I have a method that doesn't take so long. Écoutez bien, amis et friends, je vais chanter ma song. Leave your language cassette dans le water closet. Le dictionnaire's not necessaire, ok. Apprenez le français avec traîner. C'est facile et c'est fun. Et dommage mon underdone. Avec tes yeux, c'est un plaisir comme embrasser. Apprenez le français avec Trenet. Parce que Monsieur Trenet est un bon professeur. D'un je ne sais quoi, il est le possesseur. Quand il parle, c'est comme chanter, et ces chansons peuvent enseigner la langue française comme elle est parlée. Oh, le goût, ce n'est pas une langue exacte. I still use anglais, but in fact, mais c'est rythmique et romantique et elle me plaît. Apprenez le français avec traîner. If your bonjour is full of gloom, parlez traîner and just say boom. À haute voix, y'a de la joie, hooray. Apprenez le français avec traîner. Parce que Monsieur Traîner est un bon professeur. De je ne sais quoi, il est le possesseur. Quand il parle, c'est comme chanter. Et ses chansons peuvent enseigner la langue française comme elle est parlée. Par la cour. Et n'oubliez jamais en France, c'est bien poli de parler rapidement quand on est dans la pharmacie. Il n'est pas un examen quand j'ai ta main dans ma main. Y'a une ambiance, insouciance, venez. Apprenez le français avec traîner. Au music hall ou à la mer, dans les jardins extraordinaires. Il suffit pour tous en dire. Apprenez le français avec Trenet. Parce que Monsieur Trenet est un bon professeur. De je ne sais quoi, il est le possesseur. Quand il parle, c'est comme chanter. Et ses chansons ont enseigné la langue française comme elle est parlée par la cour. Der englische Multiinstrumentalist Steve Beresford war das mit seiner Verbeugung vor Charles Trenet. Apprenez le français avec Trenet. Die Melodien, die Steve Beresford da singt, hat er selber geschrieben. Der Text ist von Andrew Brenner. Lass deine Sprachlernkassetten am stillen Örtchen. Ein Lexikon ist nicht nötig. Lern Französisch mit Charles Trenet. Es geht leicht und macht Spaß. Es ist ein Vergnügen, wie jemanden zu umarmen. Apprenez le français avec Charles Trenet. Steve Beresford ist seit den 70er Jahren meistens mit frei improvisierten Jazz- oder Avantgarde-Klängen zu hören. Spannende Gastspiele bei der Frauen-Punk-Band The Slits oder dem japanischen Duo Frank Chickens gehören ebenso zu seiner musikalischen Vita wie die charmanten Coverversionen der Melody 4 mit Saxophonist Lol Coxell. Steve Beresfords Hommage an Charles Trenet erschien 1988 auf CD, einer ganzen Platte mit liebevollen Versionen von Trenet-Evergreens wie Boom oder La Mer. Die CD heißt L'Extraordinaire Jardin de Charles Trenet. Mit von der Partie war bei dieser Platte unter anderem der Klarinettist Louis Clavis und der Free-Jazz-Drummer Han Benning. Han Bennings Vater seinerseits war Schlagzeuger bei dem Radiosender Hilversum gewesen und hatte tatsächlich einmal Charles Trenet begleitet. Im nächsten Lied heißt es: Wenn ich mir an einer Straßenecke selber begegnen würde, würde ich sagen, Guten Tag, Bertrand. Und ich fände das bestimmt charmant und interessant. Und da geht dann doch das falsche Stück los. Den Besuch bei sich selber müssen wir erst einstellen. Aber jetzt kommt es. Fascinant. 10 Minuten war hier im Soundcheck vom Deutschlandfunk Musik von und mit Bertrand Bourgala zu hören. Los ging's mit einem Lied darüber, wie es wäre, wenn er sich selber an einer Straßenecke begegnen würde. Ma Rencontre heißt das Stück, zu finden auf Bertrand Bourgalas Album The Sound of Music. Die CD erschien im Jahr 2000. Unter demselben Motto, also The Sound of Music, lief auch die damalige Tournee zur CD. Bertrand Bourgala engagierte dafür die Band A.S. Dragon. Ein Live-Album von dieser gemeinsamen Tournee erschien im vergangenen Jahr. Es heißt schlicht Bertrand Bourgala meets A.S. Dragon. Und die Platte ist ebenfalls erschienen bei dem Label Tricartel. Bertrand Bourgala hat sich in den 90er Jahren einen Namen als Produzent, Arrangeur, Komponist und Multiinstrumentalist gemacht. 1992 organisierte er zum Beispiel ein Album mit Coverversionen von Michel Polnareffs Songs. Mit dabei waren damals unter anderem Nick Cave, Pulp oder Saint-Étienne. Bertrand Bourgala hat mit dem französischen Schriftsteller Michel Houellebecq zusammengearbeitet, mit Air und vielen hierzulande weniger bekannten Leuten aus der französischen Musikszene. Seine Songs und Instrumentals klingen in meinen Ohren manchmal wie leicht psychedelische Easy-Listening-Musik, manchmal wie ein Echo von Kevin Ayers Art, charmanten Harmonien und Wohlklang einen Dreh ins Ungewöhnliche zu geben. Bertrand Bourgala covert zusammen mit der Band A.S. Dragon auch schon mal einen Song von Amanda Lear und Smokey Robinson. Und bei dem Instrumental, das zuletzt zu hören war, flimmerten und fieberten die Orgeln wie Ende der 60er Jahre bei Pink Floyd und Soft Machine. Wer Zeit und Lust hat für einen Kurzausflug nach Brüssel oder Amsterdam, kann Bertrand Bourgala und A.S. Dragon nächste Woche live erleben, am 7. Mai in Brüssel und am 8. Mai im Amsterdamer Paradiso. Genaues dazu im Internet unter www.tricartel.com. Ich wiederhole, www.tricartel.com. Auch der nächste Musiker hat einiges vom Charme der exzentrischeren Sorte Popmusik vom Ende der 60er Jahre in die Jetztzeit herübergerettet. Étienne Chary. se presser, mais sans traîner. Il faut y aller, il faut quitter. S'en fait pas, il avance tout droit. À l'horizon, tout se confond. Ses pas, mais il ne s'en fait pas, il ne reviendra pas. Les yeux baissés, il voit ses pieds. Oh, oh. Pas étonnant, mais rassurant. Oh, oh. La neige étouffe les voix. Qui voudrait pourtant bien le rattraper. Virus fou de s'introduire sous les pieds. l'épiderme et de se frayer un chemin jusqu'aux organes les plus puants. Ainsi ce grand corps, si préoccupé de son apparence, ne verra pas venir cette révolution souterraine. Il ne pourra inventer ni produits chimiques, ni pchipchit. Je ne suis qu'un moustique, si je pique en mesquite du revers de la main où on me met sous plastique ou en m'intoxique. Je ne suis qu'un moustique, si je pique en mesquite du revers de la main où on me met sous plastique ou en m'intoxique. Notre seule chance, c'est l'intrusion, l'installation, la prolifération afin de nettoyer ce grand corps bronzé de l'intérieur. Je ne peux nier que les années 2000 risque d'avoir la police. Mais par contre, je peux jurer que sous cet épiderme, pasteurisé et sans âme, tout sera chambardé. Um Musik aus dem frankophonen Sprachraum geht's heute Nacht im Soundcheck vom Deutschlandfunk. Nicht immer kommt die Musikerin oder der Musiker aus Frankreich, wenn französische Worte erklingen. Los ging's mit Musik von Étienne Chary. Der kommt meines Wissens tatsächlich aus Frankreich. Sein Track Jour, Je erschien im Jahr 2000 auf einer Sammel-Doppel-LP von Bertrand Bourgalat. The Genius of Bertrand Bourgalat heißt das Album, herausgegeben von Fans in Deutschland beim Bungalow-Label anno 2000. Étienne Chary gehört zu den vielen Musikern, die von Bourgalat kongenial produziert wurden. Ein neues Album von Étienne Chary ist gerade erschienen, es heißt Chromatisme Decoder und laut Werbetext soll die Musik darauf zwischen Bifart, Beck und den Residents angesiedelt sein. Nach Étienne Chary war Musik von einer CD aus dem Jahr 1998 zu hören. Sie wurde in Montreal, Kanada und in Brüssel produziert. Jérôme Minière heißt der Musiker und Texter, der sie aufgenommen hat. La nuit éclaire le jour qui suit heißt die Platte, zu Deutsch Die Nacht erhellt den folgenden Tag. Das Stück, das von Jérôme Minière zu hören war, heißt La peau lisse. Und es wird so geschrieben, dass die wörtliche Übersetzung in etwa bedeutet die glatte Haut. Derselbe französische Wortklang, la police, bedeutet aber auch die Polizei. Im Refrain dieses Liedes heißt es, ich bin nur eine Mücke, wenn ich steche, macht man mich mit dem Handrücken fertig, versiegelt mich mit Kunststoff oder vergiftet mich. Und in der Strophe heißt es dann zu Beginn, in den 90er Jahren gibt es die glatte Haut, zu viel Sonnencreme, Zitronenduftspray und Chemieprodukte. Aber unter dieser seidigen Hülle verstecken sich ekelhafte Organe, verdorben von Kurzzeitperspektiven, Geldgier und Zynismus. Jérôme Minière beendet seinen Text mit den Worten, unsere einzige Chance ist das Eindringen und die Vermehrung, um diesen großen, gebräunten Körper von innen her zu reinigen. Ich kann das Risiko nicht leugnen, dass es ab dem Jahr 2000 weiter die glatte Haut gibt, aber ich kann schwören, dass unter der keimfreien und geistlosen Hülle alles auf den Kopf gestellt sein wird. Soweit Jérôme Minière 1997 in La Police. Ob er Kanadier, Belgier oder Franzose ist, konnte ich bisher leider noch nicht herauskriegen. In Brüssel, Paris und Budapest wurde das nächste Album aufgenommen. Es ist das zweite Album der Sängerin Françoise Brieu. In der ersten Soundcheck-Stunde hier im Deutschlandfunk gab es schon ein Stück von dieser schönen Platte. Vingt à trente mille jours heißt sie. Sie erschien im Herbst 2000. Und das nächste Stück davon trägt den Titel Derrière le grand filtre. Es endet mit den Worten, ich werde auf offener See bleiben, dort, wo die Kakophonie zerfließt, wo alles ruhig ist, wo man auf Krallen geht, wo auf uns alles von weit weg zukommt, von hinter dem großen Filter der Welt. Derrière le grand filtre, Françoise Brieu. Je suis enfouie dans le sable, les marées me couvrent et me découvrent. Je jette un coup d'œil au grand jour, c'est le temps des mortes eaux, de la dépression tout court. Je vois les grandes algues sèches affaissées, d'épaisses langues de feutre recroquevillées, sur le sable plat, entre les rochers, comme il fait chaud, c'est à crever. Vivement la fraîcheur des hautes eaux, que les algues se remettent à danser. Et moi je veux bien nager dans ces constructions enthousiastes et complexes. Ces dentelles molles et caoutchoutes. Si les lourds savaient, comme ici tout est léger. Vive la pesanteur, l'ardeur au ralenti. Les corps pâles s'étirent et s'enroulent sur des sofas translucides. Les perspectives se perdent dans des spirales de nacre. Les pinces découpent des formes imaginaires. Tout est calme et l'on marche sur les ondes. Là où la cacophonie s'estompe, où tout nous parvient de loin, de derrière le grand filtre du monde. Là-bas les gens, les objets se cognent, oui de loin nous entendons cela. Les cris, les bruits sont secs, car ici rien ne résonne. Sont-ils tristes ou gais, nous ne le savons pas, car la volonté n'arrive pas jusque-là. Franchement, tout cela nous dépasse, car ici tu n'es qu'insouciance. C'est une question de survie, de rêves inassouvis. À la prochaine marée, je consulterai l'annuaire. J'éviterai le découvert, je resterai en pleine mer. Là où la cacophonie s'estompe, où tout est calme et l'on marche sur les ondes. Parvient de loin, derrière le grand filtre du monde. Là où la cacophonie s'estompe, où tout est calme et l'on marche sur les ondes. Où tout nous parvient de loin, derrière le grand filtre du monde. Thank you. Und Mounir Toudi Gesang. Das war ein Track vom aktuellen Album des Trompeters Eric Truffaz in der Remix-Version von Imhotep. Eric Truffaz wurde 1960 geboren, stand mit 8 Jahren schon auf Bühnen und spielte damals in dem Varieté-Orchester seines Vaters. Und mit 10 Jahren entdeckte er dann Miles Davis' Bitches Brew Album. Meines Wissens ist Eric Truffaz gebürtiger Franzose. In seiner Band sind unter anderem Musiker aus der Schweiz mit dabei. Seine letzte Platte wurde dort auch aufgenommen. Im vorigen Jahr erschien ein Album, das die bemerkenswerte Zusammenarbeit mit dem Musik-Konkret-Pionier Pierre-Henri dokumentierte. Vor Eric Truffaz und Mounir Toudi war François Brieux zu hören mit einem Chanson von ihrem Album Ventre à 30 000 jours aus dem Jahr 2000. Barbeur crie, personne n'entend, tout le monde crie, les militants, les décis, l'apprécie, allez pour récit. Pourquoi ne pas tourner la page à l'occasion? Démasquer le mal, remarquer l'art et la sagesse des quartiers sales. Les années folles marquées par la différence, marquées par l'état d'école d'art qui dans ces cas-là s'en fout. Pas mal dans les poches, dans la force, c'est mon pour faux fan. Je me demande où sont les ânes et les hommes et les femmes d'âge moyen, plus apte et les pauvres, pas femme et les pauvres, pas fallait qui fut la vague bouillard. Pas la place bouillard, car de sale blasphème de vache en bouillard. Et pour couronner le tout, faut pas qu'on ait le tout, paix de l'ouvrir trop. Les gars des cités sont trop cons, donc faut des condés, qu'est-ce que j'entends? Y'a trop de condés, donc faut condés, sans que c'est con, les quartiers UP archi. C'est la guerre entre les bad boys et le chacun marche selon tout ce qu'il entend. Je veux plus doux, c'est qu'il m'allèque, c'est ce qu'il sort contre scène de Malek. Faisant de haine, qu'elle graine de sale mec de cité. Me dis pas que tout va, mec, c'est faux. Toi qui as parti auto, victime de nos clichés, de nos photos stéréo. Type et faux, stéréo. Faut tourner la page pour me faire car. Le pape crie. Le National Front, fichier frontière, j'fais front, fronce les sourcils, pense à mettre des fronts, geek, à qui que ce soit, Jean-François, tous ces Gaulois qui sont tranquillos, de mal penser sur les mecs en afro, et tu me dis à moi, vie slow, yo, faut tourner la page, yo, yo, ne me dis pas qu'on est quitte, mais on peut pas l'esprit liquide, on est marqué des kits, on a le caddie chargé de course, poursuite de douleur, aïe aïe, suite logique, loin de ma source, l'Afrique, vie au pays des huîtres, qui me revend mes ressources, et faut tourner la page, changer de paysage. Eh les garçons, les filles là, c'est par ici que ça se passe. Oh, oh, les pipelettes là, les deux là, les grands quignols, allez on y va. S'il vous plaît, on répète la leçon pour ceux qui étaient pas là hier. Asomo misobo, on répète s'il vous plaît. Asomo misobo. Un peu plus vite s'il vous plaît, j'ai affaire à des imbéciles ou quoi ici là. Allez, tu répètes comme tout le monde. Non mais ça va pas ou quoi, c'est quoi cette insolence? Si je suis là c'est pour vous, ok? Alors on répète. Asomo misobo, allez-y. Asomo misobo. Ok. Non mais ça va ou quoi? Si je suis là, c'est pour vous. Moi, je fais des heures sup. Moi, je me saigne aux quatre veines pour vous. Moi, mon bac, je l'ai déjà. Moi, mon bac. Ok. Si je suis là, c'est essentiellement pour vous, s'il vous plaît. Sébastien, par ici. On y va. Asomo misobo. On y va. Asomo misobo. Ok. Amisobo mi tao tao. On y va. Amisobo mi tao tao. Ok. Madame, ça veut dire quoi, mi tao tao? Mi tao tao. Ouais, ça va ou quoi maintenant? J'ai affaire à des animaux, des imbéciles, des guignols, des branquignols ou quoi? Allez, on y va. On répète tout maintenant depuis le début. Mi tao tao. Amisobo mi tao tao. On y va. De m'animer de banamani, mon animal, comme animal, t'es mini, mais t'amènes sur mon manaman. Ici, t'es dans mon nom. Qu'est-ce que tu me démarres? On dirait que tu veux me tester. Oh. Minimise pas flow, viens t'enseigner. Oh. Un sachet chez nous, parfait pour ton état. Oh. Entre nous, moi je te pensais t'entraîner. Oh. One, two, three, four. sont dans ta main comme un M&M. Tout chaud, millimètre, mino, liminette comme un live d'Eminem. 5 millimètres fait pour minimiser les propos. Millilitres de flow pour être à son milieu des pots. Hey, le naze, on vient de vanner comme une vieille Volvo. Voulez-vous l'avouer, zéro. C'est ce que vous valez, vu les MC qu'on avale. De Val, de Fontaine à Laval, vu le vilain level car dans les villes, les MC bébé débile. Passe à moi fil, passe un coup de fil, si t'es pas de fil, pas de fil. Le diplomate, je pourrais pas te materner. Les forêts mises, vanille, il suffit pas de signer. Passe pas chez nous, ouais, ça se passe à l'étage. Entre nous, moi ouais, je te conseille t'entraîner. 1, 2, 3, 4. Oh, ça c'est la sirène à Vending. Des époques là, je sais plus quoi. Là, c'est. Tiens, j'ai dit tiens. La grande rue du village, tiens, j'ai dit tiens. La pluie, tiens, glisse, j'ai dit tiens. Sur tes joues, Tiens, j'ai dit tiens. Un tracteur est passé, il a crié olé. J'ai dit tiens, tiens. J'ai pas bien compris. Tiens, j'ai dit tiens. Tiens, j'ai dit tiens. J'ai dit c'est la vie. Tiens, j'ai dit tiens. Mon enfant dort. Il est mort. J'ai dit tiens, tiens, j'ai dit tiens. Je voudrais savoir pourquoi. Il vit. Tiens, j'ai dit tiens. C'est le roi Pissoli. Tiens, j'ai dit tiens. Pompier, j'ai des pompiers dans mon zizi. Tiens, j'ai dit tiens. Quand tu poses ta tête lourde tête sur mon genou, je deviens fou. J'ai dit tiens. Si je deviens fou, faut m'enfermer. Tiens, ça coûte tiens. Des sous à la société. Tiens, j'ai dit tiens. Madame, dis-moi bonjour. Pour moi, tu es l'amour. Tu rentres dans ma vie comme ça tous les lundis. J'ai dit tiens. Les chevaux, les veaux, les lions sont pas malins. Tiens, j'ai dit tiens. J'ai dit tiens. Tu l'es. Tiens, j'ai dit tiens. Maline. Tiens, j'ai dit tiens. Tu me fais du lapin. Quand j'ai faim. Tiens, j'ai dit tiens. Au beurre. J'ai dit tiens. Quand je pleure. Tiens, j'ai dit tiens. Faut pas manger quand on a faim. Tiens, j'ai dit tiens. Faut pas penser quand on n'est rien. J'ai dit tiens. Faut pas trop lire, ça fait tousser. Faut pas médire. Ça fait méditer. Tiens, j'ai dit tiens. Je suis con, j'aime ça, c'est bon d'être con. Je vois rien, je dis rien, je fais rien, je fais le con. Tiens, j'ai dit tiens. Je dis oui, tiens. Je dis non, tiens. Je dis quoi? Tiens, j'ai dit tiens. Je sais pas. J'ai dit tiens. Je ne discute pas. Je ne compte pas. J'ai dit tiens. Je dis bonjour. Quand on me dit. Die zweite Soundcheck-Stunde mit frankophonen Spezialitäten geht so langsam zu Ende. Das waren zuletzt die Sprechgesangskünste von Jacques Higelin und der Sayan Supercrew. Etwa 30 Jahre liegen zwischen den Aufnahmen. Tiens, j'ai dit tiens von Jacques Higelin erschien etwa 1970-71. Das Hip-Hop-Ensemble Sayan Supercrew gibt es seit 1997. Ihr aktuelles Album heißt Ex Raison. Ihre Texte handeln unter anderem von AIDS, Rassismus, tödlichen Auseinandersetzungen zwischen Gangs oder von der religiösen Manipulation von Seelen. Und auf ihrer Webseite fordert die Gruppe gerade dazu auf, ja bloß wählen zu gehen nächsten Sonntag in Frankreich, um Le Pen eine deutliche Abfuhr zu erteilen. Sayan Supercruz neues Album Ex Raison ist abwechslungsreich, ernst und witzig und für mich eine der Entdeckungen der letzten Wochen. Zum Schluss dieser Soundcheck-Ausgabe vom Deutschlandfunk noch einmal ein Stück vom neuen Album von Noir Désir. Im Original ist es eine ganze LP-Seite lang, 23 Minuten ist es lang, eine düstere Bestandsaufnahme der Geschichte und Gegenwart des Kontinents, auf dem die meisten der Zuhörerinnen und Zuhörer dieses Senders leben, Europa. Noir Désir zusammen mit Brigitte Fontaine, L'Europe. La laverolle sur vos gueules. Je répète. La vérole sur vos gueules. Les soupirs de la sainte et les cris de la fée ne sont plus entendus au banquet des banquiers. Une fois. La marmite de l'ermite est remplie de rubis. Je répète, la marmite de l'ermite est remplie de rubis. La vieille Europe est la maquerelle des balais roses. Deux fois. Quand les sirènes se taisent, les rapaces gueulent. Je répète. Quand les sirènes se taisent, les rapaces gueulent. Le rouge et le noir des tortures sont les fleurs du mal. Je répète, le rouge et le noir des tortures sont les fleurs du mal.